Il faut avoir une âme de poète pour un chasseur. Oh putain, c'est essentiel. Septembre à l'aube, dans le pays du Bouchonnois, c'est l'ouverture de la chasse. Mais pas n'importe quelle chasse, celle de la galinette cendrée, une véritable passion pour ces hommes que nous avons suivis pendant 24 heures. Ouais, pour l'écraser, t'en mets pas, ouais. Ouais. Dédé, ça va ? Dédé, Robert. Dédé, ça va ? Dédé, Robert. Hein ? Alors, toujours cocu ? Bien sûr que la chasse, c'est un art. Pour d'autres, ça peut être la peinture, la musique, tout ça, mais bon, bah, pour nous, c'est la chasse, c'est un art. Il faut avoir une âme de poète pour un chasseur. Oh putain, c'est essentiel. Dire que quelque part la chasse c'est une communion avec la nature, quoi. C'est un contact avec la nature dès que l'aurore tarde ses rayons d'argent à travers des décharges de brûle. Faut quand même bien dire que la chasse à la galinette cendrée, bon bah c'est typique du Bouchonnois. Ouais, c'est vrai. Ah, le Bouchonnois, c'est pas grand, mais c'est le Bouchonnois. Bon. Bouchonnois, c'est quoi? C'est Pitibon sur Sourdre, Carriège et puis Forville. Il y en a qui disent que Forville, c'est pas des maris sur Sourdre. Oh, ouais. Ouais, ouais, non. Ça fait vrai, non. Mais ta grand-mère, elle est bien de Forville, elle est bien du Bouchonnois. Bon, bref, ouais, la galinette. Thank you. faut avoir une âme de poète pour être chasseur. Oh putain, c'est essentiel. Faut avoir une âme de poète pour être chasseur. Oh putain, c'est essentiel. La chasse, c'est une communion avec la nature, quoi. C'est un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers des écharpes en œuvre. Il faut avoir une âme de poète pour être chasseur. Oh putain, c'est essentiel. Faut dire que quelque part, la chasse, c'est une communion avec la nature, quoi. C'est un contact avec la nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers des écharpes de brume.